là, c'est l'alcool. Fléau en 2024. Merci. Vous voulez un mot de plus? Voilà, bon, moi, je m'appelle Périne. J'ai du bon dans mon verre. Attention, ça passe. Ça circule. Désolé. Regardez les gars, il y a France 3. Il est beau. France 3, t'es beau. Mais moi, t'es et comme papa. C'est un bon montage, un moment pas que me montre pas que alcoolo. Hein. Mais voilà, cette année, il y a plein de nouveaux première année. Et même moi, je me suis laissé déborder. Voilà. Je te présente ma meuf. Enchantée. Vous voulez pas vous faire azote? Si, allez, faites un zotch, allez. Non, force pas les gens, c'est vrai. Mais... Ouais. Bisous mon Lenny d'amour, je t'aime très fort et tout se passe bien pour papa, maman, parrain, marraine, voilà, tout le monde va bien. Et on l'a laissé, bon, avec les voisins et les voisines, parce qu'on est proches, voilà. Et vous comprenez qu'il disait toujours le co. Le coup, il dit toujours, vous comprenez. Ah, vous comprenez? Bah oui, vous comprenez. Et on reprend un peu la même façon. C'est-à-dire que oui, on se lâche, mais derrière, vous comprenez. Voilà. Et vous comprenez pas, bah tant pis pour vous. C'est la première fois que je lâche mon fils, en fait. Donc voilà, il a 13 ans. 13 ans, le gamin. C'est toujours mon mari qui fait carnaval. Moi, j'ai jamais fait carnaval, mais comme cette année, c'est ses 50 ans, et ben, on fait carnaval avec les copains. Et du coup, ben, je laisse mon fils. Alors, je suis contente d'être là, hein, mais ouais. Mon fils, voilà, c'est mon fils. Donc, voilà. Et on pousse en avant et on pousse en arrière. C'est pas la plus belle chanson, on peut même dire qu'elle est con. Et on pousse en avant et on pousse en arrière. Fais comme si t'es rié, mais le bain il restera dans ta tête. Mais celle que tu chantes avec ta guitare. L'histoire du Parisien, mais elle est longue. Elle est longue. Un petit bout de l'histoire du Parisien. Un petit Parisien. Un petit bout. Le refrain. Elle est mignon. Ah, il faut pas le perturber. Tu m'aides. Je dois dire quoi? Je dois dire quoi? Alors, les Parisiens. Bah, c'est, je dois dire quoi? Pardon. Je suis parisien. Perdu, pardon. Pardon, j'ai trop. Ah, bah, il se souvient. Dites-moi la question.